quartier. J'ai croisé un missile qui m'a fait ralentir. Je la sens bien, elle m'a regardé. Je fais rentrer du papier, l'ambiance est garantie. C'est mon bébé, je la fais kiffer directement. Je suis goutisé, il faut qu'elle devienne dingue de moi. Ça prend la drogue aussitôt à chaque demande. J'en fais que ma tête, bébé, dingue de moi. Quelques SMS, quelques textos, quelques balades, je vais ce qu'il le reste. Nous deux, c'est chaud, je reste près de mon ghetto. Je reste près de mon ghetto. Ah, mon bébé. C'était trop dangereux, maintenant c'est muerte. Ah, mon bébé. C'était trop dangereux, maintenant c'est muerte. Oh, y'a des hauts, des bas, je suis dans les halls. Les bacs, la stadio. Les gars, faites vite. Les mains, oh, y'a des hauts, des bas, je suis dans les halls. Les bacs, la stadio. Les gars, faites vite. Mais je m'en fous de ton retour. Je m'en fous de ta droga. T'es pas dans la galaxie. Tu fais trop de dégâts. Je suis pas ta bébé maman. Ta bébé maman. Et rien pour qu'on se parle, c'est trop complicado. Tu crois que tu fais kiffer au volant de la veine, t'adore. Tu dis que tu t'en fous, mais je sais bien qu'elle t'adore. Quelques textos, quelques balades, je fais ce qu'il reste. Nous deux c'est chaud, je reste près de mon ghetto. Je reste près de mon ghetto. Ah mon bébé, c'était trop dangereux, maintenant c'est muerte. Ah mon bébé, c'était trop dangereux, maintenant c'est muerte. Oh y'a des hauts, des bas, je suis dans les halls. Les bacs, la stadio. Les gars, faites vite. Les mains, y'a des hauts, des bas, je suis dans les halls. Les bacs, la stadio. Les gars, faites vite. Quand t'es sur le banc, je t'ai mis sur tes cours. C'est pas le love qui est maudit, non, c'est tout égo. Bah ouais, t'es sur le banc, je t'ai mis sur tes cours. Donc tu passeras à la matou.